بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, حياكم الله أهلا وسهلا ومرحبا بجميع الحضور. Donc nous allons continuer l'explication du livre de la purification de Boulour al-Maram. Et nous nous sommes arrêtés au cinquième hadith, celui de Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Donc Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun de vous ne se lave dans l'eau stagnante s'il est en état d'impureté majeure. Donc dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de se laver dans l'eau stagnante en état d'impureté majeure. Et les savants ont certes divergé concernant cette interdiction. Le premier avis est que cette interdiction implique le caractère illicite de la chose. Le deuxième avis est qu'elle indique une simple réprobation. Tandis que le troisième avis est que si l'eau est en grande quantité, l'interdiction indique alors la réprobation. Par contre, si l'eau est en petite quantité, ceci est illicite. Et l'avis le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, est que l'interdiction implique le caractère illicite de la chose. Car ceci est la base dans l'interdiction et ceci est une règle. En effet, lorsqu'il y a une interdiction dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la base est que ceci indique le caractère illicite de la chose. Il est donc obligatoire de s'en écarter, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, ce que je vous interdis, éloignez-vous-en. Rapporté par Al-Bukhari et musulmans. Ensuite, après avoir divergé sur le sens de l'interdiction dans ce hadith, ils ont divergé sur le jugement de l'eau après qu'une personne se soit lavée en étant en état d'impureté majeure. Et certains ont dit que l'eau est impure. Certains ont dit que si une personne viendrait à faire le ghusl dans de l'eau stagnante, l'eau deviendrait impure. Tandis que d'autres ont dit que l'eau est pure et non purificatrice. Mais l'avis le plus juste est que l'eau reste pure et purificatrice. Car premièrement, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas du jugement de l'eau, mais plutôt il interdit seulement de se laver dans l'eau stagnante. Et deuxièmement, la base de l'eau est la pureté, jusqu'à la preuve du contraire. Et concernant les savants qui sont d'avis que si une personne viendrait à se laver dans l'eau stagnante en état d'impureté majeure, l'eau serait pure et non purificatrice, ceci n'est pas juste. Car comme nous l'avons mentionné dans les cours précédents, il n'y a aucune preuve de l'existence de cette catégorie d'eau dans la législation. Donc après avoir vu le sens de l'interdiction dans ce hadith et le jugement de l'eau lorsque quelqu'un viendrait à se laver dans l'eau stagnante, il se peut que quelqu'un se demande pour quelle raison le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Et les savants nous expliquent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela car il se peut que celui qui est en état d'impureté majeure ait des sécrétions qui impacteront sur l'eau et elle deviendra sûrement sale. Et comme l'islam est la religion de la propreté et qu'il est interdit de causer du tort aux autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Et donc on peut tirer de ce hadith plusieurs enseignements. Le premier enseignement est l'importance qu'a donnée la législation à la santé. Car le fait que quelqu'un se lave dans l'eau stagnante, en état d'impureté majeure, ceci peut être la cause de certaines maladies. Le deuxième enseignement qu'on peut tirer de ce hadith est que la législation englobe tout ce dont les gens ont besoin, que ce soit en termes d'adoration, de comportement, de propreté et autres. Au contraire de ce que véhiculent certains groupes, que la législation englobe seulement les choses relatives aux adorations. Et tout le reste, les gens font un peu comme ils le veulent. Et il n'y a pas de doute que cette parole est un égarement évident. Le troisième enseignement qu'on peut tirer de ce hadith, c'est l'interdiction de se laver en état d'impureté majeure dans l'eau stagnante. Et concernant le quatrième et dernier enseignement qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que le sens induit de ce hadith indique qu'il est permis de se laver dans l'eau stagnante si la personne n'est pas en état d'impureté majeure. Mais par contre, les savants mentionnent un point important concernant ce sujet, qui est: si le corps de celui qui se lave dans l'eau stagnante est sale, il va forcément, ou plutôt en règle générale, laisser des saletés dans l'eau, ce qui va porter préjudice aux gens. Donc dans ce cas-là, c'est interdit. Et cette interdiction, les savants l'ont pris de la règle générale, qui est qu'il est interdit de causer du tort aux gens. Donc ça, c'est les enseignements qu'on peut tirer de ce hadith. Ensuite, l'auteur, il dit, sous la formulation d'El-Bukhari, il est rapporté qu'aucun de vous urine dans l'eau stagnante qui ne s'écoule pas et ne s'y lave ensuite. Donc dans cette formulation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit d'uriner dans l'eau stagnante, puis de se laver dans celle-ci. Et l'interdiction ici, encore une fois, montre le caractère illicite de cela, selon l'avis le plus juste, et c'est l'avis de l'imam Ahmed. Et concernant le jugement de l'eau, elle reste pure et purificatrice tant que l'une des trois caractéristiques n'a pas été altérée. Ensuite, l'auteur, il mentionne deux formulations quasi similaires aux précédentes. Il dit sous la formulation de Muslim et ne l'utilise ensuite pour se laver. Et sous la formation, ou plutôt sous la formulation de Abu Daoud, qu'il ne s'y purifie pas de son état d'impureté majeure. Ensuite, par la suite, l'auteur a mentionné le sixième hadith de ce chapitre. L'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit que la femme se lave avec le restant d'eau de l'homme ou que l'homme se lave avec le restant d'eau de la femme, qu'ils puisent donc ensemble l'eau de leurs mains. Donc lorsqu'il est dit, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte, cette phrase indique que le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rapporte ce hadith est inconnu. Mais ceci n'affecte en rien l'authenticité de ce hadith, car tous les compagnons sont dignes de confiance et il est impossible que l'un d'entre eux mente sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est la croyance des gens de la sunna, contrairement à la secte des chiites qui accuse certains compagnons de mensonges. Et ceci est contraire à la voix des gens de la sunna. Et ici, ikhwani fillah, j'aimerais attirer votre attention sur un procédé qui est en recrudescence à notre époque. Et ce procédé, en vérité, vise à faire douter les musulmans de la véracité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains d'entre eux vont te dire, je ne prends pas de la sunna. Car qui me dit que dans tel ou tel hadith, le compagnon n'a pas ajouté ou retiré des choses? Ensuite, pour te montrer qu'il est sur une voie claire et droite selon lui, et qu'il cherche la vérité, il va te dire, c'est pour cela que nous nous basons que sur le Coran. Car il est dénué d'erreur. Il n'y a pas d'erreur dans le Coran. Après cela, il va te mentionner une preuve du Coran pour te convaincre et pour appuyer ses dires. Et il va te mentionner par exemple le verset 89 de Surat An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ » Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction, nous t'avons révélé le livre comme un exposé clair de toutes choses, un guide, une miséricorde et une bonne annonce faite aux musulmans. Et donc il va te dire que ce verset montre très clairement que le Coran est clair et qu'on a juste besoin de suivre ce qu'il y a dans le Coran. Et donc de ce fait, on peut se passer de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour répondre à cela, il y a de nombreuses preuves du Coran et de la sunna qu'on peut mentionner. Mais en vérité, ce genre de personnes sont allées tellement loin dans l'égarement qu'il est fort probable qu'ils ne comprennent pas ces preuves ou bien qui leur donne un sens erroné. Et dans ce cas-là, les savants de la Sunna nous disent qu'il n'y a pas de mal à leur mentionner des preuves rationnelles. Et donc ici, si nous suivons ce procédé, il nous suffit de leur poser trois questions. Il nous suffit de leur poser trois questions. La première, comment une personne qui délaisse la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire pour savoir le nombre d'unités des différentes prières? La deuxième question, comment une personne qui délaisse la sunna peut faire pour savoir prier la prière mortuaire? Et la troisième et dernière question, comment peut-il faire pour savoir que doit-il dire lors du tashahhud? Car l'explication de ces trois choses sont venues dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que les savants de la sunna mentionnent que le Coran s'explique avec la sunna et que certaines choses sont venues dans le Coran d'une manière générale et dans la sunna d'une manière détaillée. Et donc, si ce genre de personnes ont une once de raison, ils seront obligés d'avouer que le musulman ne peut pas se passer de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu trouveras que certains d'entre eux vont s'enfler d'orgueil et rester dans le égarement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit que la femme se lave avec le restant d'eau de l'homme ou que l'homme se lave avec le restant d'eau de la femme, qu'ils puisent donc ensemble l'eau de leurs mains. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit que la femme se lave avec le restant d'eau de l'homme et aussi l'inverse, mais plutôt qu'ils puisent ensemble l'eau de leurs mains. Et donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné trois cas de figure. Le premier, que la femme se lave avec le restant d'eau de l'homme. Le deuxième, que l'homme se lave avec le restant d'eau de la femme. Et ces deux cas de figure ont été interdits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le troisième cas de figure est que l'homme et la femme se lavent ensemble et puisent ensemble l'eau de leurs mains. Et ceci a été recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est plus propice à mettre de l'amour dans le cœur des époux. Reste à savoir maintenant, quel est le sens de cette interdiction? Indique-t-elle le caractère illicite de la chose, ou bien elle indique une simple réprobation? La réponse se trouve dans le hadith que l'auteur a mentionné par la suite. Donc Ibn Abbas rapporte, radiallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se lavait avec le restant d'eau du bain de Maïmoun. Et donc ce hadith montre que l'interdiction dans le hadith précédent indique une simple réprobation. Car les savants ont mentionné que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit une chose et qu'il fait cette chose par la suite, ceci montre que l'interdiction indique la réprobation, c'est-à-dire que cette chose est détestable. Tout comme lorsqu'il ordonne quelque chose et qu'il fait le contraire, ceci montre que l'ordre n'indique pas l'obligation. Donc dans le hadith précédent, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt lorsque l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte que le messager d'Allah a interdit que la femme se lave avec le restant d'eau de l'homme ou que l'homme se lave avec le restant d'eau de la femme, l'interdiction ici montre que ceci est détestable, mais que ce n'est pas interdit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est lavé avec le restant d'eau du bain de l'une de ses épouses qui est Maïmoun. Ensuite, l'auteur il dit, les auteurs des Sunan rapportent qu'une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam se lava dans une bassine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulut s'y laver. Elle dit, j'étais en état d'impureté majeure. Il répondit, l'eau n'est pas touchée par l'impureté. Et donc on tire de ces hadiths plusieurs enseignements. Le premier enseignement est la modestie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il se lavait avec le restant de l'eau d'une de ses femmes. Et si ça aurait été quelqu'un d'orgueilleux, il n'aurait jamais fait cela. Mais notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le meilleur comportement avec ses épouses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet, le meilleur d'entre vous est celui qui se comporte le mieux avec sa famille et je suis le meilleur avec la mienne. Et le hadith, il est rapporté par Ibn Majah d'après Ibn Abbas et il a été authentifié par le grand savant Cheikh Al-Albani. Le deuxième enseignement, la permission que l'homme voit son épouse nue et vice-versa. Et il n'y a donc aucun mal à ce qu'ils se lavent ensemble nus. Et concernant ce qui a été rapporté de Aïcha, qu'Allah l'agrée, qu'elle n'a jamais vu les parties intimes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi qu'il n'a jamais vu les siennes, ceci est faible. Donc les hadiths qui sont venus dans ce sens-là sont faibles. Comme l'a mentionné le grand savant Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le troisième enseignement est qu'il convient à l'époux de faire tout ce qui va mettre de l'affection entre les époux. Car dans ce hadith, ou plutôt dans l'un de ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les époux à se laver ensemble et non pas à ce que chacun se lave avec l'eau restante de l'autre. Le quatrième enseignement qu'on tire de ces hadiths, il y a une indication que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était polygame. Et ici, j'aimerais éclaircir un point important concernant ce sujet. Certains ennemis de l'islam dénigrent notre prophète sallallahu alayhi wa sallam car il avait plusieurs femmes. Et parmi les choses qu'ils mentionnent, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon eux, ne voulait par cela qu'assouvir ses désirs. Et ceci est un mensonge envers notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pratiqué la polygamie pour cela. Et les savants nous expliquent que si cela aurait été le cas, il se serait marié sallallahu alayhi wa sallam avec des femmes vierges. Et ceci aurait été une chose très simple pour lui. Alors qu'au contraire, la seule femme vierge avec laquelle il s'est marié, c'est Aïcha, qu'Allah l'agrée. Et donc ceci montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas polygame pour assouvir ses désirs, mais plutôt il avait un but bien plus important que cela. Comme l'ont dit les savants, il voulait avoir un lien avec toutes les tribus arabes sallallahu alayhi wa sallam. Et donc avec ça, on a fini l'explication du hadith numéro 6. Donc la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala, on fera l'explication du hadith numéro 7 et 8, je pense. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.